Deuxième partie, chapitre 16, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 16. Qu'il faut honorer et invoquer les saints. Puisque c'est par le ministère des anges que nous recevons souvent les inspirations de Dieu, c'est aussi par eux que nous devons lui présenter nos aspirations, aussi bien que par les saints et les saintes, qui étant présentement semblables aux anges dans la gloire de Dieu, comme le Sauveur nous l'a dit, lui présentant perpétuellement leurs désirs et leurs prières en notre faveur. Joignons donc nos cœurs filotés à ces célestes esprits et à ces âmes bienheureuses, car comme les petits rossignols apprennent à chanter avec les grands, nous apprendrons aussi par ce saint commerce à chanter les louanges de Dieu et à le prier d'une manière plus digne de lui. « Je chanterai, Seigneur, vos louanges, disait David, en la présence de vos anges. » Honorez, révérez et respectez d'un amour spécial la sacrée et glorieuse Vierge Marie, qui étant la mère de Jésus-Christ notre frère, est aussi très véritablement notre mère. Recourons donc à elle, et comme ses petits-enfants, jetons-nous à ses pieds, et entre ses bras avec une confiance parfaite, à tout moment et en toute rencontre, réclamons cette bonne et douce mère, implorons son amour maternel, ayons aussi pour elle le cœur d'un enfant pour sa mère, et appliquons-nous à l'imitation de ses vertus. Rendez familier le commerce de votre âme avec les anges, faisant souvent attention à leur présence. Surtout aimez et révérez celui du diocèse où vous êtes, ceux des personnes avec qui vous vivez, mais spécialement le vôtre. Faites-leur souvent quelques prières, bénissez Dieu pour eux, employez leur protection en toutes vos affaires, soit spirituelles, soit temporelles, afin qu'ils daignent entrer dans vos intentions. Le célèbre Pierre Lefèvre, premier prêtre, premier prédicateur, premier professeur de théologie de la Sainte Compagnie du Nom de Jésus, le premier compagnon du bienheureux Ignace, son fondateur, venant un jour d'Allemagne, où il avait beaucoup travaillé pour la gloire de Dieu, et passant par le diocèse où il était né, racontait que la dévotion qu'il avait eue à saluer les anges protecteurs des paroisses, par où il avait passé à travers plusieurs pays hérétiques, lui avait beaucoup valu pour la consolation intérieure de son âme, et pour la protection qu'il en avait reçue, car il protestait qu'il avait sensiblement reconnu combien il lui avait été propice, soit pour le garantir des embûches des hérétiques, soit pour lui disposer plusieurs âmes à recevoir la doctrine du salut avec plus de docilité. Mais il disait cela avec un si grand désir d'inspirer cette dévotion aux autres qu'une demoiselle, jeune alors, qui était présente, le racontait elle-même il y a 4 ans, c'est-à-dire plus de 60 années après, avec un grand sentiment de piété. Je fus très consolé l'année passée d'avoir consacré un autel au lieu même où Dieu fit naître son bienheureux serviteur, dans le petit village de Villaret, au milieu de nos montagnes les plus inaccessibles. Choisissez quelques saints, en l'intercession desquels vous preniez une particulière confiance, et dont vous puissiez lire la vie avec plus de goût, pour l'imiter fidèlement. Vous ne doutez pas que celui dont on vous a donné le nom au baptême ne doive être le premier de tous. Fin du chapitre 16, deuxième partie.